Cinquième chapitre. Comment Siegfried vit Kriemhild pour la première fois. On voyait chaque jour chevaucher vers les bords du Rhin ceux qui désiraient assister à la fête. À ceux qui venaient dans le pays par attachement pour le roi, on offrait des chevaux et des vêtements. Des tables et des sièges étaient préparés pour les plus illustres et les plus braves, comme cela vous a été dit. 30 princes vinrent à la fête. Les femmes se parèrent à l'envi l'une de l'autre pour les recevoir. Le jeune Giselher n'eut point de repos. Par lui, par Gernot et par leurs hommes, furent cordialement reçus les étrangers et ceux qu'on connaissait déjà. Il saluait les guerriers ainsi qu'il convenait de le faire, suivant les règles de la courtoisie. Ceux-ci conduisaient dans le pays quantité de sel d'or rouge. Ils apportaient vers le Rhin, à la fête, des boucliers ornés et de beaux vêtements. On vit se ranimer et se réjouir beaucoup de malades. Ceux qui souffraient au lit de leurs blessures oubliaient combien dure est la mort. Les malades non guéris cessaient de se plaindre. Ils se réjouissaient à la nouvelle de ces jours de fête. Comme ils allaient vivre en liesse, des plaisirs sans bornes, des joies au-delà de leurs forces, goûtèrent tous ceux qui se trouvaient là. Une grande allégresse se répandit dans tout le pays de Gunther. Un matin de Pentecôte, on vit s'avancer vers la fête, magnifiquement vêtus, beaucoup d'hommes hardis, 5 000 ou même davantage. En plusieurs endroits, les divertissements commencèrent à l'envi. L'hôte royal avait en l'esprit, cela lui était bien connu, combien de tout cœur et loyalement le héros du Nederland aimait sa sœur, qu'il n'avait pas encore vue, mais en laquelle, plus qu'en toute autre femme, on devait admirer la beauté. La bonne épée Ortwin parla au roi. « Voulez-vous que cette fête vous fasse le plus grand honneur? Laissez admirer les plus belles jeunes filles qui font l'orgueil de la Burgondie. » Quelle serait la joie de l'homme et quel serait son bonheur s'il n'y avait ni belle vierge ni femme superbe? Laissez paraître votre sœur en présence de vos hôtes. Le conseil était donné à la satisfaction de maint héros. « Je le ferai volontiers, » dit le roi. Tous ceux qui l'entendirent furent très joyeux. Il pria Dame Wot et sa fille de vouloir bien, avec leur vierge, se rendre à la cour. On prit hors des bahuts de beaux ajustements. On prépara maintes parures, galons et fermoirs, qui étaient soigneusement enveloppés. Plus d'une femme aux belles couleurs se para courtoisement. Maint jeune guerrier pensa en ce jour qu'il était doux de voir des femmes et qu'en échange, il n'eût point accepté la terre d'un chef puissant. Il voyait avec plaisir celle qu'il ne connaissait pas. Le roi illustre ordonna qu'avec sa sœur marcherait pour la servir sans guerrier de leur parenté. Il portait l'épée à la main. Telle était la suite de la cour dans le pays des Burgondes. On voyait venir avec eux Wot la très riche. Elle avait pris avec elle un groupe de jeunes femmes, 100 ou même plus. Elle portait de splendides vêtements. Et aussi derrière sa fille marchait quantité de femmes jolies. On les voyait toutes sortir d'une grande salle. Beaucoup de héros s'y pressaient, pleins du désir de voir le mieux possible la noble vierge. Elle s'avançait en ce moment, la charmante, comme l'aurore du matin sortant de sombres nuages, et une grande souffrance quitta celui qui la portait dans son cœur depuis si longtemps. Alors il vit la Vierge marcher en sa beauté. Maintes pierreries brillaient en ses vêtements. Ses couleurs semblables à celles de la rose avaient cet éclat qui inspire l'amour. Et quelle qu'en fût son envie, nul n'eût pu soutenir que jamais en ce monde il avait vu quelque femme plus belle. Comme la lune éclatante surpasse les étoiles lorsque sa lumière sort resplendissante des nuages, ainsi elle surpassait les autres femmes. L'âme de maint héros grandit en cet instant. On voyait marcher devant elle de riches camériers. Les guerriers au grand cœur se pressaient en foule afin de voir la vierge charmante. Le seigneur Siegfried ressentait à la fois amour et souffrance. Il pensait en lui-même. Comment cela s'est-il fait qu'il m'ait fallu ainsi l'aimer? C'est une illusion d'enfant. Pourtant, si je dois m'éloigner de toi, il me serait plus doux d'être frappé à mort. » Agité par ces pensées, il devint plusieurs fois rouge et pâle. Le fils de Sieglinde était là, digne d'amour, comme s'il eût été peint sur le parchemin par le talent d'un bon maître. Et tous avouaient que jamais on n'avait vu un héros si beau. Ceux qui accompagnaient les femmes demandèrent que chacun se retirât de leur chemin. Les guerriers obéirent. La vue de ces femmes au noble cœur réjouit les braves, car on voyait s'avancer en costume splendide maintes femmes charmantes. Le chef Gernot de Burgondie parla. « À celui qui vous a si généreusement offert ses services, au Gunther, mon frère chéri, faites honneur devant tous ces héros. Je ne rougirai jamais de ce conseil. Faites approcher Siegfried de ma sœur, afin qu'elle le salue. Nous en serons heureux. Que celle qui jamais ne salua le guerrier rende hommage à Siegfried, afin que cette noble épée vous soit acquise. » Les parents du roi allèrent retrouver le héros. Ils parlèrent ainsi aux guerriers du Nederland. « Le roi vous invite en sa cour, afin que sa sœur vous salue. C'est pour vous faire honneur. » Le chef en ressentit de la joie en son cœur. Il portait en son âme tendresse sans amertume. Il allait voir la fille de la belle Wot. La jeune fille, digne d'amour, salua Siegfried avec grâce et vertu. Lorsqu'elle vit debout devant elle l'homme au grand courage, une flamme colora ses joues. Elle dit, la belle Vierge, « Soyez le bienvenu, seigneur Siegfried, bon et noble chevalier. » Ce salut éleva son âme. Il s'inclina courtoisement et lui offrit ses remerciements. L'attrait des vœux d'amour les poussait l'un vers l'autre. Ils se regardaient avec de doux regards, le chef et la jeune fille. Cela se faisait à la dérobée. Si en ce moment sa blanche main fut pressée par tendre affection de cœur, je l'ignore. Mais je ne puis croire qu'il ne l'ait point fait, sinon ces deux cœurs agités d'amour auraient eu tort. Ni en la saison d'été, ni au jour de mai, jamais il ne sentit en son âme une joie si vive que celle que lui fit éprouver la main de la Vierge qu'il désirait pour amie. Main guerrier pensa, « Ah, que ne puis-je aussi marcher à ses côtés, ainsi que je vois Siegfried, ou reposer près d'elle. En moi s'éteindrait toute haine. » Jamais depuis guerrier ne servit mieux si belle princesse. Ceux qui étaient venus des pays d'autres rois admirèrent tous Siegfried et Kriemhild. Il fut permis à la jeune fille d'embrasser l'homme vaillant. Jamais il ne lui arriva rien d'aussi doux sur cette terre. Le roi du Danemark parla ainsi à ce moment. « Pour ces hautes salutations, plus d'un a reçu de graves blessures de la main de Siegfried, et moi-même j'ai éprouvé sa force. » Que Dieu éloigne à jamais de lui la pensée de revenir au pays de Danemark. » Partout on fit faire place sur le chemin de la belle Kriemhild. On vit plus d'un guerrier hardi l'accompagner à l'église, magnifiquement vêtu. Bientôt il fut séparé d'elle, le héros très vaillant. La voilà qui s'avance vers la cathédrale. Maintes femmes la suit. Elle est si richement parée que bien des vœux s'élèvent autour d'elle. Elle était née pour être la délectation des yeux de plus d'un guerrier. Siegfried attendit avec impatience que les chants eussent cessé. Il pouvait se féliciter du bonheur de savoir que celle qu'il portait en son cœur lui était également favorable, et lui aussi chérissait en son âme la belle jeune fille, et non sans motif. Quand, après la messe, elle sortit de la cathédrale, on invita le héros hardi à aller de rechef vers elle. La Vierge digne d'amour commença d'abord à le remercier de ce que devant les guerriers il avait si vaillamment combattu. « Que Dieu vous récompense, seigneur Siegfried, dit la noble enfant, de ce que vous avez mérité que les guerriers vous soient si attachés et de si bonne amitié, ainsi que je l'entends dire. » Il se prit à regarder tendrement la Vierge Kriemhild. « Je vous servirai toujours, dit Siegfried la bonne épée, et je ne reposerai mon front que lorsque j'aurai conquis votre faveur, si je conserve la vie. Il doit en être fait ainsi pour votre service, madame Kriemhild. » Durant 12 jours, on vit près du héros la Vierge digne de louange, quand elle s'avançait vers la cour devant ses fidèles. Avec grande affection, on servait le guerrier. Et il y avait chaque jour joie, plaisir et grand bruit devant la salle de Gunther, et dedans et dehors, beaucoup de vaillants hommes. Ortwin et Hagen firent merveille. Tout ce qu'on peut tenter, ils étaient prêts à l'accomplir, sans crainte ni retard, ces héros joyeux au combat. Ces guerriers furent remarqués par tous les hôtes. Ce fut un grand honneur pour le pays entier de Gunther. On vit s'avancer ceux que leurs blessures avaient retenus. Ils voulaient prendre part au divertissement des convives et combattre avec la lance et le bouclier. Beaucoup joutèrent avec eux. Leur force était très grande. Durant la fête, l'hôte royal fit servir les meilleurs mets. Il n'épargnait nulle peine pour éviter le moindre reproche qu'un roi peut encourir en ces circonstances. On le voyait s'avancer amicalement vers ses convives. Il dit « Ô vous, bon guerrier, avant de partir d'ici, acceptez mes présents. Mon intention est de vous être toujours agréable. Ne dédaignez point mon bien, je le veux partager avec vous. Telle est ma ferme volonté. » Ceux du Danemark parlèrent ainsi. « Avant de chevaucher de rechef vers notre pays, nous désirons une perpétuelle paix. Il le faut pour nos guerriers. Nous avons perdu sous vos épées un grand nombre de nos amis. » Liotgast était guéri de ses blessures. Le chef des Sazen échappa aux suites du combat, mais ils laissèrent quelques morts en ce pays. Le roi Gunther alla trouver Siegfried. Il dit au guerrier « Conseille-moi, que dois-je faire ? Nos hôtes veulent chevaucher demain matin. Ils offrent une paix durable à moi et à mes hommes. Dis-moi, ô Siegfried, épée vaillante, qu'y a-t-il à faire ? Je veux te dire ce que m'offrent ces chefs. Si je les laisse partir librement, ils me donneront autant d'or qu'en pourront porter 500 chevaux. » Le seigneur Siegfried dit « Ce serait mal agir. Laisse-les partir d'ici libres et que ces nobles guerriers cessent dorénavant leurs incursions hostiles dans votre pays. Que la main des deux chefs vous en soit garant. Je suivrai ce conseil. Qu'ils partent donc. » Il fut annoncé aux ennemis que nul n'accepterait rien de l'or qu'ils avaient offert. Dans leur patrie, ceux qui les chérissaient gémissaient sur ces guerriers vaincus. On apporta maints boucliers remplis de trésors. Le roi les partagea sans peser à ses amis. Il y avait bien 500 marks et même plus. Gernot, le très hardi, avait donné ce conseil à Gunther. Ils prirent congé car ils désiraient partir. On vit s'avancer les hôtes devant Kriemhild et devant Dame Watt, la reine. Jamais depuis, guerriers ne furent plus courtoisement salués. Bien des logements restèrent vides quand ils furent partis pour leur patrie. Pourtant le roi aux habitudes magnifiques demeura avec les siens et avec un grand nombre de nobles hommes. On les voyait chaque jour se rendre chez Kriemhild. Siegfried, le bon héros, voulait aussi prendre congé. Il n'espérait pas obtenir celle qu'il portait en son cœur. Le roi entendit dire qu'il voulait partir, mais Giselher, le jeune, parvint à le détourner du voyage. « Où veux-tu donc chevaucher maintenant, noble Siegfried ? Reste près de nos guerriers. Reste, je t'en prie, près de Gunther et de ses hommes. Il y a ici beaucoup de belles femmes, vous pourriez les voir. » Le fort Siegfried dit « Laissons là nos chevaux. Je voulais chevaucher loin d'ici. J'ai abandonné ce dessein. Rentrez les boucliers. Je voulais retourner en mon pays. Giselher m'en a honorablement détourné. » Ainsi l'amitié de ses amis retint le brave. Aussi, nulle part, dans aucun pays, n'eût-il pu demeurer avec plus de bonheur. Il en résulta que chaque jour il vit la belle Kriemhild. Le chef demeura là pour sa beauté sans mesure. On passa le temps en main divertissement, mais l'amour le tenait. Il en éprouvait souvent l'angoisse. Par suite de cet amour, il souffrit depuis une mort lamentable.